on avançait tout droit. T'es dans un monde, t'as plus de là. Mes potes fichés, pour la plupart. L'arme des frappes, j'appuie pas. Les mettre à terre, mais plus bas. Gros, j'appuie pas. Les mettre à terre, mais plus bas. Chant que je leur fais du mal. Le clan fait tout ce qui marche. Eux me connaissent, mais comme l'image. C'est au rein, on les mange, on les mâche. Indigeste, on les crache. Le plan capote. Direct, on décroche. Je crois que je vais prendre ta pote. Même si elle est moche. Ton équipe des tapettes. Font pas le pouvoir, font pas de pouvoir. Je les grecs comme douap, coupé comme douille. Let's go, je suis doué. Mouille avec un doigt. Je roule ma roue à droite. Ouais, gros, je suis à droite. Je respire, trop d'inspi ou peu. Autopsie si j'observe vos manières douteuses. Vois ton psy, mais t'es pas fou quand tu plies la foule. On esquive, c'est sale type et en toute modestie. Si je suis pas dans la place, quand on est dans la part. Ma sourd honnête, veulent pas honnête, très fort pour la maille. Yeah. Veux pas de crari, on est pas votre pote. Yeah. C'est sale manif, je les poires en poste. Yeah. J'suis sous le dingue, j'suis sous ta bitch, yeah. Wow. Nos épisodes seront kitsch, yeah. Wow. Fais pas de crari, on n'est pas votre pote, yeah. Wow. T'es seulement une tuée, les portes, yeah. Yeah. Ça me casse les cloches. J'ai beaucoup trop paillage. J'ai envie de me jeter dans le linge. Hey, non, j'suis pas là. C'est le Xanax qui m'attend. J'suis buzzé avec ma co. Pendant que Nina m'attend. Oh, hey, non, guapo, bafou, il bégaye pas. Oh, les lois, j'bafou, j'respecte. Hop, oh, Nina a de la c'est plein la culotte. Hey. Dès que j'pop, j'ai plein de claques. Elles vont derrière tes collègues. J'peux pas gérer une connasse. Pas vine tes dernières collègues. Un tir de mort, la collate. Hey. Le caca, la work, j'colmate. Oh. Hey. Souvent j'frôle le coma. Oh.